Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Les corps de 109 grandes figures ont été transférés au Panthéon par la patrie reconnaissante. De quoi intéresser Bruno Fulini ? Que reçoit aujourd'hui Franck Ferrand ? Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est toujours un bonheur de recevoir Bruno Fulini dans cette émission. Il connaît tellement de détails pittoresques sur les méandres de notre histoire. Il nous parle donc aujourd'hui du Panthéon et de ses calmes pensionnaires. Après quoi, Lorena Martin nous présentera cette semaine des mathématiques qui va animer justement le Panthéon du 12 au 16 mars prochain. Et vous finirez l'émission, Franck, en revenant sur la fameuse histoire de Clovis et du vase de Soissons. Pour le moment, je vais la commencer cette émission en vous racontant comment Mirabeau est sorti du Panthéon aussi vite qu'il y était entré. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Nous sommes à Paris le dimanche 27 mars 1791, dans la salle du manège, aux Tuileries, bien sûr, dans les jardins des Tuileries. Depuis près d'un an et demi, c'est ici que siège l'Assemblée nationale constituante. C'est là qu'ont lieu les séances. 1145 députés se réunissent au manège. Ils sont répartis en trois ordres, hein, noblesse, clergé, tiers état, puisqu'ils sont les héritiers directs des états généraux. Ce jour-là, dans une ambiance houleuse, comme toujours, un certain Honoré Gabriel Ricti de Mirabeau monte à la tribune. Il est député du tiers état, bien que membre de l'aristocratie, comme vous l'aurez entendu. On le connaît à cette laideur assez connue qu'accentue des taches. Il est marqué de petites véroles, vous savez. Il est fatigué, Mirabeau. Il se déplace avec la plus grande difficulté. C'est l'orateur du peuple, néanmoins. C'est la torche de Provence, comme on l'a surnommé. Il évoque le sujet à l'ordre du jour, la législation des mines. Il est là pour soutenir son ami, Auguste de Lamarck, qui est propriétaire de gisements de charbon et qui est menacé d'être spolié par un projet de décret qui transférerait à l'État la propriété de tout le sous-sol. Mirabeau soutient la possibilité de concéder le droit d'exploiter à des particuliers. Et malgré cette faiblesse physique qui devient pesante pour lui, le charismatique président déploie une nouvelle fois son talent oratoire. Il n'est pas surnommé pour rien le Shakespeare de l'éloquence. C'est Barnave, hein, son rival Barnave, qui l'a ainsi surnommé. Après être monté, descendu à 5 reprises à la tribune, Mirabeau, qui est à bout de force, on le voit transpirant, Mirabeau finit par s'évanouir. Ce malaise ne surprend pas grand monde. Entre les discours à l'Assemblée et la vie qu'il mène, vie dissolue s'il en fut jamais, ça fait quand même un bon moment que le tribun provençal est épuisé, d'autant que depuis le début de l'année 91, il cumule les fonctions. Il est administrateur du département de Paris, donc président de l'Assemblée pendant 15 jour et membre du directoire de Paris. Le juriste Étienne Dumont écrit « Je l'avais vu depuis qu'il était président de l'Assemblée se faire appliquer des sangsues dans l'intervalle de la séance du matin à celle du soir et se rendre à l'Assemblée le col enveloppé de linge pour étancher les restes de sang. » Ah oui, non, tout ça est pas... Mirabeau a des douleurs à l'estomac, en plus des douleurs vraiment terribles. Son état est devenu tellement préoccupant que certains pensent qu'il aurait pu être empoisonné. Avant la séance du 27 mars, Lamarck a même interdit à son ami de venir à l'Assemblée tant il a jugé son état critique. Et Mirabeau lui a répondu « Mon ami, ces gens-là vont vous ruiner si je n'y vais pas. Je veux partir, vous ne pourrez pas me retenir. » Et après un verre de vin, pour se donner un peu de force, Mirabeau est donc à sauter dans sa voiture pour rejoindre l'Assemblée. Alors il a eu ce malaise, il est revenu à lui et il murmure à Lamarck « Votre cause est gagnée, seulement moi, je suis mort. » Et de fait, Mirabeau ne reviendra jamais à la Constituante. Moins d'une semaine plus tard, le samedi 2 avril 91 à 8h30, il meurt. Mirabeau meurt à 42 ans chez lui au 46 rue de la Chaussée-d'Antin. Il a quelques-uns de ses amis autour de lui. Il y a son médecin personnel, Cabanis, et puis il y a Lamarck, bien sûr, qui est là. Dans la matinée du 2 avril, la rue de la Chaussée-d'Antin, les rues alentours sont noires de monde. Certains vont jusqu'à s'agenouiller pour prier. Une délégation de l'Assemblée se rend au domicile de Mirabeau. Et c'est ce que nous raconte Jean-Paul Desplats dans sa belle biographie de Mirabeau. Lafayette, Condorcet et Barnave viennent s'incliner devant sa dépouille. Seul Talleyrand, son vrai rival au fond, y compris dans l'art de l'immobilité, se permet un coup de pied de l'âne. Mirabeau a dramatisé sa mort. Et il est mort le plus à propos du monde. Cet homme déifié aurait été pendu 2 mois plus tard à moins d'une seconde révolution. Il avait 1 million de listes civiles chez un notaire dont il avait touché le premier quart. Cette abondance avait été un piège pour lui. On reconnaît bien Talleyrand. L'émotion est si forte que la rumeur court que Mirabeau a été empoisonné. Certains ont même le nom de l'assassin, le général et député de la noblesse Alexandre de Lameth. Seulement, le procès-verbal de l'autopsie, qui est signé quand même par 90 savants, va montrer que Mirabeau n'est pas mort par le poison. Cabanis, qui est resté auprès de lui jusqu'au bout, détermine que Mirabeau est bel et bien mort d'une affection du diaphragme. En fin d'après-midi, alors que des groupes de personnes se portent vers les salles de spectacle pour les faire fermer, il ne s'agit pas maintenant d'aller s'amuser alors que le grand Mirabeau est mort, la séance reprend à l'Assemblée, forte émotion sur tous les bancs, comme on dit. Les bons mots du député provençal font déjà défaut, ils manquent à ceux qui l'ont le plus apprécié et on va bientôt préparer les funérailles. Le sculpteur, grand sculpteur Houdon, réalise le masque mortuaire du défunt. Il réalisera ensuite un buste de Mirabeau en terre cuite. Plusieurs artistes sont également admis pendant quelques minutes à dessiner le profil du mort. Mais une question se pose. Où Mirabeau va-t-il être enterré? Le district de Paris voudrait l'enterrer au Champ de Mars, sous l'autel de la fête de la Fédération. Ce serait pas mal d'ailleurs. Mais une motion est déposée par le duc de La Rochefoucauld, député, président du directoire du département de Paris, qui suggère, La Rochefoucauld, de transformer l'église de l'abbaye Sainte-Geneviève en panthéon pour y accueillir les grands hommes. Voilà une idée dont nous n'avons pas fini de parler jusqu'à la fin de cette émission, bien entendu. Motion de La Rochefoucauld adoptée, Mirabeau sera donc le premier pensionnaire de cette espèce de grand temple national, ce panthéon. Les Français pleuraient ce jouisseur, nous dit Bruno Fulini, adoraient cet incroyant, et il fallut un temple pour cette religion nouvelle qui pointait non le culte d'un créateur ni d'un sauveur, mais celui de l'homme immanent qui défie Dieu en prenant en main sa destinée pour en changer le cours. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors vous avez décidé cet après-midi, Franck, de nous emmener au cœur des secrets du Panthéon. Vous nous racontez l'entrée au Panthéon de Mirabeau. C'est en 1791 que ça se passe. Alors avant de parler de la cérémonie que vous allez nous raconter, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet édifice, ce magnifique édifice? Il date de Alors quand? Alors oui, de quelques décennies. Il est tout neuf, si je puis dire. C'est une église assez neuve, que cette église Sainte-Geneviève que l'on va transformer en Panthéon. C'est au moment de la maladie de Metz. Vous savez, quand Louis XV est entre la vie et la mort, là, il ne sait plus à quel saint se vouer. C'est vraiment le cas de le dire. Et il promet, comme on fait dans ce genre de circonstances, à la sainte patronne de Paris, à Sainte Geneviève, qu'il lui édifiera une grande église si elle le tire d'affaire. Or, Louis XV guérit en 1744. C'est là qu'on va se mettre à l'appeler le bien-aimé, vous savez. Et le projet est définitivement arrêté d'une église abbatiale qu'on va construire sur la montagne Sainte Geneviève, donc à Paris. Tous les grands architectes de France sont sur les rangs, ai-je besoin de vous le dire, sauf que l'on va choisir le plus moderne d'entre eux, celui qui rompt avec le style rocaille et qui veut réintroduire en France un grand classicisme à la romaine, c'est-à-dire Soufflot, bien entendu. Soufflot qui avait fait avec le frère de Madame de Pompadour un célèbre voyage à travers l'Italie dont il était rentré complètement antiquisant. Il avait notamment été frappé par le temple de Paestum, bref. Donc, nous voilà, nous, en avril, 4 avril 1791, au moment des funérailles de Mirabeau. On a bien fermé toutes les salles de spectacle, plus de spectacles, plus de foires, etc. À 17h, le cortège accompagné du roulement sinistre des tambours et des instruments funèbres commence à se former au départ de l'hôtel du défunt, donc rue de la Chaussée-d'Antin. Il est ouvert par un détachement de cavalerie de la garde nationale parisienne, ai-je besoin de vous le dire, avec le chef d'état-major à sa tête, hein, bien sûr, Lafayette, et puis des sapeurs, des canonniers, des 60 bataillons, 100 gardes suisses et les gardes de la prévôté de l'hôtel du roi qui précèdent la musique de la garde nationale. C'est intéressant cette année 1791 où on est exactement à mi-chemin entre l'ancienne monarchie et la République à venir, si vous voulez. C'est, on voit bien que le régime est en train de changer, bien sûr. Le clergé précède le corps de Mirabeau entouré de gardes nationaux, armes basses, porté par 16 hommes du bataillon de la Grange Batelière, dont Mirabeau était le commandant. Le drapeau de ce bataillon flotte sur le cercueil sur lequel a été placée une couronne civique. Suivent tous les membres de l'Assemblée nationale, escortés par le bataillon des vétérans, celui des enfants, les électeurs, les députés des 48 sections, la municipalité des jours, enfin bref, une sorte de grand cortège officiel, si vous voulez, dont la marche se ferme par un considérable détachement de cavalerie et d'infanterie. Grandes obsèques. Et au milieu de cette double haie de gardes nationaux, des centaines de milliers de Parisiens, c'est-à-dire presque la moitié de la population de la ville. Tous ceux qui sont valides et disponibles sont là à suivre cet imposant cortège qui processionne 3 heures de marche jusqu'à l'entrée de l'église Saint-Eustache, qu'on a tendue de noir, avec un sarcophage grand catafalque élevé au milieu du chœur, comme pour une personne royale. Joseph-Antoine Cerutti, qui préparait le discours de Mirabeau, est chargé de prononcer l'oraison funèbre. Tant de travaux ont confirmé l'infatigable moteur de la révolution, déclare-t-il, et la tombe dévore celui qui étouffa le despotisme, frappé à mort presque subitement sous le poids d'une maladie affreuse. Il a vu se dissoudre et s'écrouler son existence d'un regard aussi ferme qu'il avait vu tomber le gouvernement. Ses dernières pensées ont été des considérations publiques et un bienfait national. C'est amusant de voir qu'on conserve les accents d'un Bossuet, si vous voulez, mais pour une prose nettement plus civique, nettement moins religieuse. Et puis, dans la soirée, donc, on va transporter le corps au Panthéon. Les travaux n'ont pas pu être vraiment terminés. C'est dans le caveau de l'ancienne église, aux côtés des cendres de Descartes, que les restes de Mirabeau sont déposés un petit peu avant minuit. Il va reposer, Mirabeau, dans un cercueil de plomb, enfermé dans un second cercueil de bois. Les restes seront transférés au Panthéon, qui sera donc achevé dans sa nouvelle mission, si je puis dire, quelques mois plus tard. Voici ce qu'écrit le comte de Tilly. « En voyant cette pompe funèbre, je me disais que nul homme ne pouvait contribuer, par les seuls actes de sa puissance, à se faire estimer pendant sa vie et après sa mort, qu'il n'avait pas plus tenu à ce colosse de talent et d'immortalité de se faire rendre de tels honneurs dans l'insensibilité du cercueil, qu'il n'avait été libre à lui de ne pas languir dans le donjon de Vincennes et de ne pas errer longtemps en Europe, sans éclat et même sans considération. » C'est très joliment dit. Dans les jours qui suivent, les hommages à Mirabeau vont se succéder. La société Jacobin décrète 8 jours de deuil. Elle va faire élever un buste en marbre, etc. La rue de la Chaussée-d'Antin devient la rue Mirabeau. Et on va proposer des monuments. Marie-Joseph Chénier, le poète, écrit des vers qui font l'éloge de Mirabeau. Bien entendu, des pièces sont écrites, jouées. Mirabeau à son lit de mort. Mirabeau, Champs-Élysées, on se précipite. Il y a même une comédie en un acte écrite par Olympe de Gouges, s'il vous plaît. Le conseil de la commune de Paris ordonne que le buste de Mirabeau soit placé aux côtés de ceux de Necker, de Lafayette, de Bailly. Et dans ce flot d'hommages, un seul journal refuse de rendre hommage à Mirabeau. C'est l'ami du peuple. Et évidemment, Marat n'est pas de la fête. Voilà ce qu'il écrit. « Peuple, grand grâce aux dieux, ton plus redoutable ennemi vient de tomber sous la faux de la parque. Riquetti, c'est son nom de famille, n'est plus. » Garde tes larmes pour tes défenseurs intègres. Souviens-toi qu'il était un des valets nés du despote qu'il ne fonda la cour que pour capter tes suffrages. Et Antoine de Bac nous dit, dans La gloire et l'effroi, « Des vies privées de l'orateur, non point inédites au moment de sa mort, paraissent ou reparaissent très vite. Une confession générale, ainsi que les mémoires secrets sur la vie civile, morale et politique du ci-devant souverain des Français, ce jeu du dévoilement n'est pas à l'avantage du mourant. Tous ses ouvrages insistent sur la débauche de la jeunesse, sur l'appât du gain, sur les scandales à répétition. De cela, personne n'est dupe. Mirabeau n'est pas un modèle de vertu. Ça, évidemment. Et ce n'est dans cette espèce de grand dévoilement, pour ne pas dire de grand déballage public, ce n'est qu'un début. Car la politique continue de jouer pendant ce temps et la monarchie va chuter. Vous savez, en août 1792, dans les recherches faites au château des Tuileries, on va découvrir à ce moment-là une armoire cachée, la fameuse petite armoire de fer. Pas confondre avec la grande armoire de fer où sont nos documents nationaux. Hein. Cette armoire contient toutes sortes de papiers relatifs aux affaires de la cour. On retrouve notamment la correspondance secrète entre Mirabeau et la famille royale. Et Mirabeau, qui espérait être ministre de la nouvelle monarchie constitutionnelle, avait donné beaucoup de conseils à Louis XVI et des informations aussi. Ainsi donc, aux yeux de ce qui est en train de devenir le nouveau régime, Mirabeau serait un traître. Ah, mais alors, l'ami du peuple aurait eu raison, mais alors Marat avait raison déjà de le désigner comme l'ennemi du peuple. Il disait, Mirabeau, dans les révolutions, il n'y a pas loin du Capitole à la roche tarpéienne, vous connaissez l'expression. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour lui, la prophétie va se réaliser exactement. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous avez décidé de nous emmener au cœur des secrets du Panthéon et nous suivons pour cela l'histoire de Mirabeau. Mirabeau qui a eu de très grandes funérailles, il a été transféré au Panthéon et son image serait peut-être celle d'un traître. Du coup, il va être retiré du Panthéon. Et oui, et alors il a même été, lui, on peut même pas parler de transfert à la limite, puisqu'il a même été carrément directement inhumé au Panthéon. Hein, ça a été, et il l'a inauguré d'une certaine manière. Le 5 décembre 92, la correspondance secrète entre Mirabeau et la famille royale est révélée lors d'une séance de la Convention. On ne va pas tarder à juger le roi Louis XVI. Hein. L'ambiance est houleuse, l'ambiance est même électrique. On commence à déballer. Ça y est, le linge sale sort. C'est Philippe Rull qui préside la Convention à ce moment-là. Il monte à la tribune. « Trop longtemps, déclare-t-il, bien trop longtemps le peuple s'est créé des idoles pour les encenser. Mirabeau était un traître. Le ciel en a fait justice. » Je demande que le sanctuaire de la loi ne soit plus souillé par l'image d'un homme que vous décréteriez d'accusation s'il existait encore. Je demande en outre que ses cendres soient retirées du Panthéon et qu'à l'avenir, ses honneurs ne puissent être déférés aux hommes qui paraîtront, après avoir bien mérité de la patrie, que 10 ans après leur mort. J'allais dire, ça ce serait une sage précaution. Le député Pierre-Louis Manuel, qui est un proche de Mirabeau, s'exprime à son tour. « J'observe que Mirabeau n'est pas jugé, qu'il n'est pas accusé et qu'il doit avoir les mêmes droits qu'il aurait eu de son vivant. S'il vivait, vous l'entendriez. Il faut donc lui nommer un défenseur officieux. Je ne m'étendrai pas à présent sur le détail des services qu'il a rendus. Mettez, si vous voulez, sa mémoire en état d'arrestation, mais ne le condamnez pas sans l'entendre. Je demande qu'un comité soit spécialement chargé de l'examen de sa vie. » Eh bien, il ne va pas s'en plaindre, le comité en question. Après 11 mois d'attente, donc en novembre 93, là cette fois on est en pleine terreur, Chénier, le poète Chénier, rend le rapport du comité. Lui qui avait tellement célébré Mirabeau, auquel il avait littéralement tressé des couronnes dans ses vers 2 ans et demi plus tôt, eh bien on peut dire qu'il a bien changé de camp, Chénier. « Citoyens, votre comité vous propose d'exclure Mirabeau du Panthéon français afin d'inspirer une terreur salutaire aux ambitieux et aux hommes vils dont la conscience est à prix, afin que tout législateur, tout fonctionnaire public, tout citoyen sente la nécessité de s'unir étroitement au peuple et se persuade qu'il n'existe de vertu, de liberté, de bonheur, de gloire solide que par le peuple et avec lui. » Eh bien, on peut dire que Mirabeau n'est plus persona grata dans le régime de la terreur. Il n'a plus sa place aux yeux des contemporains, aux côtés de Voltaire, qui lui est considéré comme une sorte de père fondateur, de Le Pelletier de Saint-Fargeau, qui est un martyr, et puis à propos de martyrs, d'enfants martyrs comme Barat, comme Viala, etc. Que le vice, déclare Jacques-Louis David, le grand peintre, vous savez, que le vice, que l'imposture fuit du Panthéon, le peuple y appelle celui qui ne se trompa jamais. La Convention va donc voter en faveur de cette proposition. Et ça veut dire ça, que quelques temps plus tard, en septembre 94, eh bien, on va faire sortir la dépouille de Mirabeau par la petite porte, lui qui était entré par la grande. À sa place, on déposera les restes, et là, tenez-vous bien, d'un certain Jean-Paul Marat, assassiné un an et demi plus tôt, vous savez, par Charlotte Corday. Ironie du sort, la dépouille de Marat elle-même sortira du Panthéon quelques 5 mois plus tard. Ah oui, ça commence là, les allers-retours. Ça n'est pas très brillant quand même, ces débuts du Panthéon, il faut bien le dire. Alors, que devient Mirabeau, me direz-vous? En tout cas, que sont devenus ses restes? Ils ont été transférés au cimetière de Clamart, dans une fosse commune, le long du Jardin des Plantes. Ils n'ont jamais été retrouvés. Bonjour Bruno Fulini. Eh bien, dites-moi, ce Panthéon, ça commence fort, si je puis dire. Oui, c'est un extraordinaire feuilleton de notre histoire et je dirais de notre mémoire nationale. À peine veut-on honorer un grand homme qu'on se rend compte qu'il n'est peut-être pas aussi si parfait que cela. Que voilà, on le sort, on le remplace par un autre que l'on éjecte presque plus rapidement. La proposition, c'était une proposition formulée par Philippe Rull, hein, par le président de la Convention nationale, qui disait seulement 10 ans après leur mort. C'était plutôt sage, ça, finalement, non? C'était plutôt sage. Ça a été appliqué brièvement, mais il y a une exception, c'est en cas d'obsèque nationale. C'est ainsi, par exemple, qu'à la mort de Victor Hugo en 1885, là je fais un bond hein, dans l'histoire, mais immédiatement, on vote le transfert, bien sûr, au Panthéon, avec l'immense cérémonie que l'on sait. Alors, on a appelé ça le Panthéon, j'allais dire c'est un tribut à la mode du temps, qui est une mode antiquisante, de retour à l'antique, de retour à la Rome républicaine, tout simplement. Ce Panthéon, c'était une idée qui était dans l'air avant même la Révolution, ou est-ce que c'est une création révolutionnaire dans son concept? Disons que les hommes de la Révolution, vous l'avez dit, sont absolument nourris de références antiques. Et le Panthéon, c'est le Panthéon des grands hommes, c'est de réunir tous ces grands hommes à qui on va consacrer une forme d'apothéose. Hein, les empereurs romains devenaient des divinités à leur mort, et bien les grands législateurs, les grands révolutionnaires, les grands penseurs de l'humanité vont avoir cette forme de déification laïque, en quelque sorte. Et on n'en est jamais sorti. Alors il est vrai que le monument s'y prêtait, avec sa colonnade, son fronton triangulaire. Ça ressemblait à une sorte de grand temple civique, même si c'était une église, mais une église qui n'avait pas la forme coutumière d'une église. Soufflot, qui était franc-maçon, avait voulu faire une église de son temps, c'est-à-dire une église des Lumières, avec une sorte de résumé, quelque chose d'un petit peu condensant toute l'histoire religieuse de l'humanité. L'entrée ressemble à un temple antique, ensuite on a une nef avec un dôme qui a un petit quelque chose de byzantin. Il y avait même, tenez-vous bien, 2 tours gothiques qui étaient prévues, et là ce sont les révolutionnaires qui ont dit non, ça on supprime vraiment, c'est trop gothique justement. Oui, ça n'était plus du tout dans le goût du temps. Fallait un retour à la grande colonnade bien simple, bien classique, etc. Alors... Le Panthéon originel ou l'église originelle était baignée de lumière. Voilà, était baignée de lumière. Et en fait, c'est pour la rendre plus sépulcrale qu'on a comblé une quarantaine de fenêtres. Oui, c'est incroyable. C'est étonnant. C'est-à-dire que cette architecture était une architecture, comme vous dites, complètement lumineuse, complètement solaire, littéralement. Et là, d'un seul coup, on va faire tout ce soubassement, tout ce rez-de-chaussée, si je puis dire, très sombre, très triste même, disons les choses. C'est un monument qui ne manque pas de grandeur et de beauté, le Panthéon, mais qui est bien triste, hein, c'est incontestable. Triste extérieurement, et c'est sans doute la raison pour laquelle la plupart des Parisiens n'y vont pas. Lorsqu'on a la curiosité, il m'a fallu plusieurs années hein, avant d'avoir l'idée simplement d'y entrer, mais lorsqu'on entre, on est surpris, parce que l'intérieur est quand même très richement orné, assez fou. L'intérieur contraste incroyablement avec l'aspect sépulcral de l'extérieur. Plus on s'élève et plus on monte vers la coupole du Panthéon et plus la lumière revient, si je puis dire. Cette coupole est quand même une chose extraordinaire. Et voir le cœur même de l'ancienne église, le cœur de ce Panthéon depuis la coupole, c'est une chose inouïe. Alors, si vous êtes d'accord, Bruno Fulini, nous n'allons pas aujourd'hui nous élever vers les sommets de la coupole, nous n'allons pas trop parler de l'architecture du Panthéon, ce que nous avions fait d'ailleurs il y a quelques années avec Alexandre Gady. Ce que je vous propose, c'est de descendre dans la crypte, et dans cette crypte, d'aller à la rencontre des grands hommes auxquels la patrie, n'est-ce pas, se montre reconnaissante. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire des secrets du Panthéon avec votre invité. Nous allons descendre dans la crypte dans un instant. Vous recevez Bruno Fulini, il est écrivain, historien, maître de conférences à Sciences Po et il est l'auteur de L'affreux du Panthéon, un livre paru aux éditions de La Table Ronde dans la collection La Petite Vermillon. Il faut que vous nous disiez qui est d'un mot, et puis après on va revenir sur l'ensemble, mais cet affreux du Panthéon, Bruno Fulini. Bien, parmi la centaine de personnalités honorées au Panthéon, il y a un personnage qui est à la fois un politicien parjure, un putschiste, un assassin politique, est l'auteur d'un texte ouvertement raciste puisqu'il invitait à ne pas enregistrer les mariages entre noirs et blancs. Et cet homme repose au Panthéon tout simplement parce que sous l'Empire, bien sûr la nef est rendue au culte catholique, mais la crypte demeure une nécropole et c'est une nécropole de l'État. C'est-à-dire que tout sénateur ou ministre qui meurt, y est inhumé en quelque sorte de droit. Je dirais que si Fouché était mort avant 1815, il serait au Panthéon, Talleyrand idem, bon ils ont vécu plus longtemps, mais Claude Ambroise Régnier, duc de Massa, lui est mort à temps pour être inhumé au Panthéon en 1814, en juin 1814. Il a quand même eu le temps de trahir une première fois lors de la première restauration, il meurt, ouais. Et il a droit donc au Panthéon après une vie entière de trahison, de basses œuvres. Il a quand même cumulé pendant 2 ans les fonctions de grand juge, c'est-à-dire ministre de la Justice et ministre de la Police. Les deux en même temps, il ne fallait pas être opposant dans ces années-là, c'était quand même extrêmement dangereux. Et donc lui, il y est toujours, lui, on ne l'a pas... Il ne peut pas être retiré. Alors Malraux avait souhaité, quand il était ministre de la Culture, que l'on retire tous ces personnages, certains tout à fait respectables, d'autres beaucoup moins, inhumés sous l'Empire. Et c'est De Gaulle qui s'y était opposé en considérant que ça faisait partie de l'histoire de France. Oui, on ne peut pas passer son temps à faire entrer et sortir les gens. Ça, je trouve que c'est assez sage de la part du général De Gaulle, incontestablement. Alors, tout à l'heure, justement, en parlant des sorties de Mirabeau puis de Marat, donc qui sont entrés puis sortis, nous allons voir qui ont été les premiers hommes panthéonisés. J'ai cité de grandes figures idéales. Voltaire qui lui y est toujours, on y reviendra tout à l'heure. J'ai dit un mot de Descartes, j'ai dit un mot de Viala, j'ai dit un mot de Barra. Ceux-là sont panthéonisés sur le papier, mais dans les faits, on ne les retrouve pas dans la crypte. Alors. Il y a eu un certain nombre de décrets de panthéonisation, sachant que les décrets de l'époque sont des textes législatifs, c'est-à-dire qu'au départ, les panthéonisations se votent, c'est un acte du Parlement. Nous sommes avant 1958, hein, loin avant, on vote. Et on s'enthousiasme, alors soit pour un grand homme, un grand écrivain, un grand penseur, soit pour un héros des guerres révolutionnaires, et il y a eu ainsi plusieurs personnalités qui ont été panthéonisées, alors Descartes, bien sûr, mais Descartes, aujourd'hui encore, repose à Saint-Germain-des-Prés. Diderot, c'est encore plus cruel, parce que lui était athée et il repose toujours à Saint-Roch, donc dans une église qui, elle, n'est pas déconsacrée. Et dans le cas de Diderot, il y a eu une nouvelle tentative longtemps après la Révolution, en 1913, et là aussi, il n'y a pas eu une majorité pour l'envoyer au Panthéon, donc on a un peu triché. On a installé un monument à la gloire de l'encyclopédie et des encyclopédistes, ainsi il était honoré quand même, mais sa dépouille n'y pas. Parmi la première fournée du Panthéon, parmi les premiers panthéonisés, rares sont ceux qui sont restés finalement, hein, c'est ça. De la période révolutionnaire, il reste essentiellement Voltaire et Rousseau. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Ensuite, bien sûr, les très jeunes héros qu'on a érigés en modèle pour la jeunesse, hein, Barra et Viala, ont été panthéonisés, mais en fait, les dépouilles n'ont jamais été transférées, et au moins l'une d'elles n'a, à ma connaissance, jamais été retrouvée, tout simplement. Il y a eu un certain nombre d'officiers également qui sont panthéonisés vraiment sur le papier. Il y en a même un que je mentionne pour mémoire. Évidemment, nous sommes à une époque où les nouvelles mettent du temps à parvenir, où ils n'ont pas les moyens de communication modernes. Mais par exemple, on a panthéonisé un certain général Brûlé de Langlois, qui était tombé au col de Saorge, donc entre Nice et le Piémont, combattant les armes à la main pour la République. Sauf qu'en fait, on avait confondu deux personnages, le sieur Brûlé et le sieur Langlois, et qu'on avait fondu en un seul et même personnage qui, lui, n'a jamais existé. C'est vous dire que, voilà, on vote des fois dans un moment d'enthousiasme enthousiasme, un transfert au Panthéon qui, pour des raisons diverses, qui vont de l'impossibilité matérielle à l'incurie administrative, eh bien, n'auront jamais lieu. À chaque fois que vous venez, Bruno, je me fais la même remarque. Je me disais, et s'il n'était pas là? Voilà toutes sortes de petits détails qui nous échapperaient, qui seraient perdus, tout simplement. Bravo, hein, c'est magnifique de faire vivre cette érudition, ces petits détails de l'histoire qui lui donnent sa saveur, qui lui donnent ses couleurs, véritablement. Donc, la première panthéonisation, nous l'avons vu, a été très difficile du fait de la Révolution elle-même. Petit à petit, les choses sont entrées dans les mœurs. Sachons quand même que ce lieu laïque civique est redevenu un temps lieu de culte quand même, parce qu'il y a une restauration entre-temps, bien sûr. Déjà, il y a le Concordat, cette petite chose qui s'appelle le Concordat, fait que voilà, la religion catholique... Ça, c'est Napoléon. Hein. Ça, c'est Bonaparte. Bonaparte, oui. Et puis, bien sûr, ça va s'accentuer sous l'Empire, donc avec la nef qui redevient un lieu de culte catholique, la crypte, nous l'avons dit, qui reste une nécropole de l'État, et il y a même à l'intérieur de la crypte un caveau numéro 4 qui est le caveau des protestants. Donc un caveau pour les protestants à l'intérieur d'un monument dont la nef est rendue au culte catholique. Vous voyez la subtilité de ce qu'autorise le Concordat et le régime de l'époque. Et puis évidemment la restauration, alors là, va aller plus loin. À plusieurs reprises, comme cela au 19e siècle, on va avoir des mouvements de d'évolution au culte, puis de nouveau laïcisation, par exemple sous la monarchie de Juillet ou en 1848. Et puis à la fin de la Deuxième République, c'est la première fois qu'on procède à l'expérience du pendule de Foucault, autre pensionnaire, cette fois non humain, hein, du Panthéon, donc ce gigantesque pendule dont les oscillations prouvent que la Terre tourne. Donc on y voit, évidemment, les anticléricaux y voient une revanche de Galilée, sauf que très peu de temps après, bien sûr, Louis-Napoléon Bonaparte réinstitue un pouvoir clérical et le Panthéon redevient une église. Bref, il faut attendre les débuts de la Troisième République, mais même les années 1880, pour qu'on assiste à, de manière définitive, à une laïcisation du Panthéon qui devient effective avec les obsèques de Victor Hugo. Hein, les obsèques de Victor Hugo en 1885 marquent, si l'on peut dire, le début du Panthéon moderne tel que nous le concevons, etc. On en a parlé plusieurs fois ici, mais ça a été une cérémonie quasiment sans exemple dans l'histoire de France. Hein. Sans équivalent. On a eu Johnny Hallyday il y a quelque temps dans un genre différent. Hein. Mais Victor Hugo, ça a été vraiment des obsèques monumentales, extraordinaires. Quelques-uns depuis, d'ailleurs, ont comme ça suscité une grande ferveur populaire, une grande ferveur publique après Victor Hugo. Oui, on pourrait évoquer par exemple le cas de Jaurès, hein, qui est panthéonisé après la victoire du cartel des gauches, c'est-à-dire 10 ans. Après son assassinat, 10 ans seulement, par une population qui sort de toutes les horreurs de la Grande Guerre. Et donc, on célèbre finalement le pacifisme de Jaurès après avoir vécu cette guerre qu'il annonçait, qu'il avait tenté d'empêcher. Et là, il y a eu par ailleurs une symbolique très forte, puisque la veillée funèbre a lieu au Palais Bourbon. Hommage au grand orateur parlementaire, et il est accompagné par des mineurs de Carmaux en habit de travail. Donc il faut imaginer ces mineurs en habit de mineurs qui escortent une sorte de char funéraire gigantesque qui remonte le boulevard Saint-Germain et qui va aller jusqu'au Panthéon avec un grand discours du président du conseil de l'époque, Édouard Herriot. Ce qu'il faut dire, c'est que tous les panthéonisés ne sont pas forcément physiquement, enfin tous les corps ne sont pas au Panthéon. Sur les 109 grandes figures que nous évoquons depuis le début de cette émission, il y en a 30 qui ne figurent que sous la forme d'une inscription, de cénotaphe, si l'on peut dire. Et les 79 qui restent présentent quelques absents. Il y en a 5 qui ne sont pas dans leur caveau. On va voir ça dans un instant. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire des secrets du Panthéon aujourd'hui et on apprend beaucoup de choses grâce à votre invité cet après-midi. Vous recevez Bruno Fulini, il est écrivain, historien, maître de conférences à Sciences Po et auteur de L'Afro du Panthéon, paru à la Table Ronde dans la collection La Petite Vermillon. Alors c'est amusant quand on prend la liste hein, des gens qui figurent au Panthéon, parce qu'en fait on se rend compte d'abord qu'il n'y a quasiment pas de chef de l'État. Enfin, il y a 2 chefs d'État. Et lesquels ? Alors, il y a un président assassiné, un des présidents assassinés, on aurait pu imaginer qu'il y en ait d'autres, mais enfin, en l'occurrence, c'est Sadi Carnot. C'est Sadi Carnot qui a été poignardé en 1894 et qui est panthéonisé. Alors évidemment, ça n'est pas le plus grand président que la France ait connu, mais bon, l'émotion est telle en 1894 qu'il est panthéonisé sans son foie, qui a été conservé par le médecin légiste, qui a dû le restituer un peu plus tard. Dans le Panthéon, il y a plein de petites histoires un peu glauques comme cela. Et puis l'autre chef de l'État, alors là, c'est carrément un chef d'État étranger. qu'on ne s'attend pas à trouver, un certain Girolamo, comte Durazzo. Alors la famille Durazzo, c'est une famille d'origine albanaise, mais qui était devenue une famille de la noblesse génoise. Et donc ça a été le dernier doge de l'ancienne République de Gênes, devenue République Ligure, donc État satellite de la France révolutionnaire. Alors que fait-il donc dans cette galère? Eh bien, c'est tout simplement que lorsque la France a réuni à son territoire l'ex-République Ligure, il a été fait sénateur, et lorsqu'il est mort, eh bien, il a été inhumé au Panthéon. C'était aussi une façon de rendre hommage à la famille Durazzo qui avait vendu la Corse à la France, et c'est donc indirectement par cette famille que Bonaparte et les siens étaient devenus français. Et donc il y a plein de personnages comme cela qui sont liés de façon assez indirecte à Bonaparte ou à Napoléon et qui se retrouvent au Panthéon. Par exemple, il y a un banquier suisse au Panthéon. Oui, il y a un banquier suisse, Perego, parce que c'était le financier de Bonaparte, qui est devenu l'un des fondateurs de la Banque de France. C'était devenu la concession à la mode, en fait, le Panthéon sous l'Empire. Ça se méritait. Contrairement au Père Lachaise, que les Parisiens ont longtemps boudé, le Panthéon, il fallait quand même, je dirais, des recommandations importantes ou un titre important. Il fallait être un haut dignitaire de l'État. Mais on trouve aussi bien un banquier suisse que des cardinaux italiens, que l'ancien doge de la République Ligure, et puis une flopée de sénateurs. Alors, et ouais, c'est ça. Mais vous dites une flopée de sénateurs, ça c'est ce qu'on n'attendrait pas. Et ça vous concerne ça, Bruno Fulini, beaucoup de parlementaires en fait. En fait, sur 109 personnalités qui d'une manière ou d'une autre ont été honorées au Panthéon, la moitié ont été soit sénateurs, soit députés, soit les deux. Donc il y a un grand nombre de parlementaires. La première voie d'accès au Panthéon, c'est d'avoir été parlementaire. Et bientôt Simone Veil qui a été députée au Parlement européen. Et bien sûr. On trouve des ministres aussi, mais Simone un petit Veil peu moins. Simone Veil et son mari qui... Voilà, le 1er juillet prochain. Mais c'est vrai que les parlementaires y sont très nombreux. Alors ça s'explique encore une fois par la présence de ces 43 dignitaires de la période impériale qui, pour la plupart, siégeaient au Sénat conservateur. Et qui faussent un peu les statistiques, si je puis dire. Vous parliez de Simone Veil, quelques femmes quand même au Panthéon, il faut le dire. Peu. La première femme entre en 1907 et là aussi c'est un couple qui est panthéonisé, mais c'est surtout le mari en fait qu'on panthéonise. Disons que Marcelin Berthelot, le grand chimiste, également ministre de la République, sénateur, eh bien Marcelin Berthelot est mort à la fois de fatigue, d'épuisement et de chagrin après la mort de sa femme. Bref, on décide de ne pas les séparer et donc le couple est panthéonisé, lui pour son action publique, je dirais, et elle pour ses vertus domestiques. Il y a Pierre et Marie Curie, non aussi. Oui. Alors, Pierre et Marie Curie plus tard, avec cette particularité qu'il partage le caveau avec Paul Langevin, alors qu'on présente souvent comme l'amant de Marie Curie, en fait, qui a été son amant après la mort, bien sûr, de l'époux. Mais le trio partage un même caveau. C'est intéressant d'ailleurs. Pardon. Et pour l'anecdote, Marie Curie est inhumée à l'intérieur d'un cube de plomb. Il y a une feuille de plomb qui protège les visiteurs des radiations, puisqu'elle a tellement manipulé du radium que aujourd'hui encore, ses restes mortels sont radioactifs. Mais bien sûr. C'est intéressant, ces voisinages, si je puis dire. Il y a ce fameux caveau, alors c'est celui qu'on visite toujours, mais qui est très impressionnant, où sont nos grands écrivains, tous les trois en même temps, Victor Hugo, Alexandre Dumas et Émile Zola, dans la même chambre, si je puis dire. Tout à fait, quelle chambrée, n'est-ce pas? Quelle chambrée. C'est amusant parce que vous avez des caveaux très encombrés. Pas mal d'académiciens d'ailleurs. Au total 9. C'est-à-dire que dans cette crypte de morts, il y a beaucoup d'immortels, si j'ose dire. En quelque sorte, il y a 9 académiciens, le premier étant bien sûr Voltaire, Cabanis, que vous avez nommé, qui était un grand médecin, mais pas seulement, Portalis également. Victor Hugo. Alors bien sûr Victor Hugo. l'autre duc de Mazarin dont nous parlions, qui a quand même réussi l'exploit. Il était très habile, cet homme. Il est quand même devenu académicien sans avoir publié le moindre ouvrage, juste quelques manuels de droit. Mais bon, il était tellement influent, puissant, qu'on l'a nommé à l'Académie française. Il fait partie de ces gens qui sont là où il faut être, en fait. Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, Marcelin Berthelot, Henri Bergson, mais qui n'est présent que par une inscription, Condorcet, qu'il ne faut pas oublier, même s'il a été panthéonisé très tard par François Mitterrand pour le bicentenaire de la Révolution. Et le neuvième sera une neuvième, Simone Veil, justement. Alors, assez souvent, on a émis des doutes sur l'opportunité de panthéoniser un certain nombre de grands hommes. Nous avons cité très succinctement tout à l'heure, furtivement, le nom d'Alexandre Dumas, par exemple. Certains estimaient qu'Alexandre Dumas aurait préféré rester, j'allais dire, tranquillement chez lui. Chez lui, à Villers-Cotterêts, en fait. Bien sûr, et c'est toujours difficile, ne serait-ce que par rapport à la famille, à telle enseigne qu'un certain nombre de personnalités ne sont panthéonisées que symboliquement. On met un petit peu de terre, ou alors on partage. Ça, c'est curieux, parce que c'est quelque chose qui était pratiqué autrefois dans l'Église catholique. On partage les reliques. Le général Marceau, par exemple, repose en trois endroits différents. Il est aux Invalides. Comme on faisait avec les souverains autrefois. Exactement. En fait. Il est à Chartres, et sa ville natale, et il est au Panthéon. Dans le cas de Gambetta, on a juste le cœur qui est dans une urne. À l'inverse, vous avez d'autres panthéonisés dont le cœur est resté au cimetière familial. Où Louis Braille, l'inventeur de cet alphabet tactile, eh bien, a laissé ses mains au cimetière familial où la famille peut se recueillir. Symboliquement, les mains sont là-bas, le reste du corps est au Panthéon. C'est un peu curieux pour nous, mais c'est tout à fait logique lorsqu'on entre dans, comment dirais-je, ces calculs un peu compliqués qui consistent à donner une sépulture publique à des hommes qui ont aussi une famille et une famille qui veut avoir son lieu de recueillement. Qui sont les cinq absents là dont je parlais tout à l'heure? Parce qu'il y a des caveaux qui sont vides, en fait. Il y a plusieurs caveaux qui sont vides, mais il y en a plus que cinq en réalité. Qui sont symboliques. Des cénotaphes en vérité. Tout à fait. Un mot peut-être sur le site lui-même, car lorsqu'on est dans cette crypte des grands hommes au Panthéon, on est au cœur même de l'histoire de France et de l'histoire parisienne. Tout ça remonte à Clovis et à Clotilde, hein, il ne faut pas l'oublier. On est vraiment, c'est le lieu où, bien sûr, où reposaient Clovis et Clotilde. Clovis est aimant à se recueillir dans ce lieu, et c'est pour cela que Sainte-Geneviève s'y rendait également. Donc nous sommes dans un des sites les plus anciens de Paris, et certains occultistes nous disent même qu'il y avait autrefois un temple d'Isis à cet endroit-là. Je n'ai aucun moyen de le démontrer, mais il est certain qu'une éminence en bord de Seine, c'est forcément, par destination, un lieu tout à fait à part dans la géographie d'une ville comme Paris. Et c'est pour cela que je me suis intéressé à cet endroit. Je trouve que cette montagne Sainte-Geneviève a un magnétisme particulier et qu'il ne faut pas oublier les grands morts qui y reposent. Évidemment. Merci beaucoup, Bruno Fuligny. Votre évocation du Panthéon et tout particulièrement votre anti-hommage, si je puis dire, à l'affreux duc de Massa s'appelle L'affreux du Panthéon. C'est aux éditions de la Table Ronde. Merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et si après cette émission, vous avez envie d'aller au Panthéon, il y a des dates à noter. Et ces dates, c'est Lorena Martin qui nous les donne. Ça, ce sont des dates pour les matheux. Bonjour Lorena Martin. Bonjour Franck. Oui, pour les matheux, puisque du 12 au 16 mars... Nous qui sommes des littéraires, ici, ça nous paraît tout exotique. Le Centre des Monuments Nationaux participe à la Semaine des Mathématiques. Il y aura de nombreuses animations au Panthéon, puisque vous l'avez dit, les sciences sont partout présentes au Panthéon. Des grands scientifiques, mathématiciens, physiciens y reposent. Pierre et Marie Curie, le comte de Bougainville, Lazare Carnot, Gaspard Monge et bien d'autres. Et vous l'avez dit notamment, c'est un lieu aussi où des expériences scientifiques ont été menées, comme celle du pendule de Foucault. Et puis d'ailleurs, avant, donc même si pendant la semaine des mathématiques, l'exposition sera terminée, il reste encore quelques jours pour aller visiter l'exposition Marie Curie, une femme au Panthéon, à l'occasion de ses 150 ans, et c'est jusqu'au 4 mars. L'expérience du pendule de Foucault, elle a été réalisée en 1851. Oui. On avait donc suspendu un gigantesque fil qui faisait 67 mètres de long, une sphère de 47 kilos, pour constater cette oscillation au centre de la nef et démontrer d'une manière que je n'ai jamais comprise personnellement, mais je fais confiance aux scientifiques. Oui, c'est ça, moi c'est mon côté littéraire. La rotation de la Terre sur elle-même, voilà ce que ça démontre, en tout cas ce pendule de Foucault. Alors, revenons à notre semaine des mathématiques. Oui. Vous dites des animations, on va faire du calcul mental ou voilà. Oui. Il y aura, en fait, ce sont une petite semaine, pour surtout pour les familles. Il y aura des livrets-jeux qui seront distribués gratuitement avec deux niveaux d'énigmes mathématiques à résoudre pour les enfants et pour les adultes. Et donc, on pourra découvrir les grands mathématiciens et le décor du Panthéon. Et tous les après-midi, on pourra assister à une expérience holographique immersive qu'ils ont appelée Holomath. Et vous serez munis d'un casque en réalité augmentée. On pourra découvrir la démarche scientifique de Jean Perrin et le mouvement brownien. Son nom vient de Richard Brown, qui était un botaniste écossais du 19e siècle. Et il s'était intéressé à l'action du pollen dans la reproduction des plantes. Et il a observé le mouvement des particules de pollen en fait, suspension dans l'eau. Et donc, ce sont le des fameux ateliers, mouvement brownien. Voilà, oui. Et ce sont des ateliers de 7 personnes à partir de 12 ans. Et ensuite, donc, il un aura... petit côté, on pourrait presque... Ça fait penser un peu Palais de la Découverte, là, d'une certaine manière. C'est de la science amusante, si amusante on peut dire. Et pour toute la famille, surtout pour tous les âges. Et donc, le 14 mars, à l'occasion de la journée de Pi, il y aura d'autres animations. Pi, la lettre grecque, c'est-à-dire la constance, 3, 14, 116, etc. Vous connaissez toutes les constantes de Pi, vous. Oui, je m'arrête à 14. Et donc, d'autres animations seront proposées ce jour-là particulièrement, avec des ateliers de manipulation et de construction de polyèdres géants, encore une fois pour tous les âges, des visites guidées sur le thème des sciences, et aussi dans la crypte des étudiants et des lycéens vous feront découvrir un petit peu toutes les avancées politiques des grands mathématiciens. Et il y aura aussi une série de 3 conférences suivies d'un spectacle dans la nef du Panthéon en fin d'après-midi. Et bien sûr, la plupart des animations nécessitent une réservation au préalable, donc toutes les infos sont à retrouver sur paris-panthéon.fr. Oui, nous avions parlé des parlementaires, nous avions parlé des académiciens, etc. Nous avions oublié tous ces scientifiques, les Condorcet, Lazare, Carnot, Painlevé, Lagrange, Langevin, etc. qui se trouvent donc au Panthéon. Oui. Rappelez l'adresse, donc, c'est www.paris-panthéon.fr. Merci beaucoup, Lorena Martin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Un retour aux origines qui va nous rappeler des souvenirs d'école. Ah oui. Avec cette phrase « Souviens-toi du vase de Soissons ». Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'origine et le contexte oui, de cette phrase ?« Ou ainsi as-tu fait au vase de Soissons ?» Moi, c'est ce qu'on m'avait appris, mais après, chacun a sa version, bien entendu. La phrase aurait été prononcée en 486 par un certain, vous avez Clovis. Vu un peu là, l'incroyable harmonie de ce programme et de cette émission. Nous parlions de la montagne Sainte-Geneviève, de Clovis, de Clotilde, et revoilà le roi des Francs. On est au lendemain de la fameuse bataille de Soissons que Clovis a remportée face à Syagrius, le général romain, vous savez. Une bataille qui, comme toujours, s'est soldée par un grand partage de butin. Elle a été rapportée longtemps après, dans la chronique, cette bataille, hein, par le fameux chroniqueur Grégoire de Tours, Saint Grégoire de Tours, dans le chapitre 27 du livre 2 de son Histoire des Francs. Alors, la victoire était acquise pour Clovis, son armée pille la cité de Soissons. Vous pouvez faire confiance aux hommes de Clovis pour aller piller, hein. Ça devait leur aller très bien. Et bien sûr, ils entrent à grand fracas dans les édifices religieux. Il est prévu que le roi, son armée, se partage le butin récolté par tirage au sort. C'était comme ça que procédaient les Francs. On tirait au sort les beaux morceaux, si vous voulez. Et dans le lot, il y a un somptueux vase. Mais alors, un objet qui m'a fait rêver, moi, toute mon enfance, j'adorerais savoir à quoi il ressemblait. Grégoire nous dit, dans son Histoire des Francs, un vase d'argent d'une taille, d'une beauté extraordinaire. Et croyez-moi, il sait ce que chaque mot veut dire, Grégoire. Eh bien, ce vase provient d'une église située dans le diocèse de Reims. Or, l'évêque Rémy de Reims a fait savoir à Clovis que ce vase-là, étant particulièrement cher au cœur de ses fidèles, et puis cher aussi au sens propre, il aurait bien aimé le récupérer. Clovis propose à ses soldats de mettre le vase hors du partage. Tout le monde dit d'accord, sauf un soldat que Grégoire qualifie d'envieux et d'impulsif, qui tient une épée, qui s'approche et qui, d'un coup d'épée, va briser le vase. « Tu n'auras rien que ce que le sort t'attribuera vraiment, » dit-il. Clovis reste un peu interloqué, l'événement l'a marqué, et un an plus tard, alors qu'il est en train de passer des troupes en revue, si je puis dire, il faut imaginer ce que ça pouvait être à l'époque, hein, il repère le fameux soldat mal embouché, là, et sous prétexte que ses armes et sa tenue ne sont pas en bon état, Clovis lui arrache sa francisque, la jette à terre, le soldat se baisse pour la ramasser, et pan, un grand coup derrière le crâne, Souviens-toi, ou ainsi as-tu fait au vase de Soissons. Voilà. Évidemment, le sens de ce mot, c'est d'abord, il s'agit de montrer l'intelligence politique de Clovis, son côté très modéré, même si cette modération s'exprime en l'occurrence par un crime assez violent. Et puis surtout, c'est toute la question du rapport de l'autorité, la toute nouvelle autorité royale avec l'Église, bien entendu, qui est posée ici. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.